Chapitre 8. L'escale, que de cris. Le vieux bateau entre en rade, escorté par les clameurs des barques remplies d'enfants nus, de mendiants et de passeurs. Puis, la ville pleine des bruits que nous avions déjà oubliés. Et la bousculade sur les quais, avec ces affreux voyous qui s'accrochent à vous et qui vous veulent conduire de force au bazar et chez les filles. La barque qui me ramène me fait voir le Van Dyck énorme et rond sous le crépuscule. Il se balance, tirant à peine sur l'ancre. Il est seul dans cette rade où 10 transatlantiques ruissellent de lumière et de bruit. Il est seul, à peine éclairé et tenu à l'écart dans un coin du port. Autour des steamers voisins, une nuée d'embarcations entretient un vacarme de foire. Le Van Dyck est seul. Les mendiants et les marchands, en le reconnaissant, se sont enfuis. Comme il est triste dans cette solitude et cette nuit. Au repos, il a l'air plus vieux encore. Son gros corps ressemble à la coque de ces frégates dont on voit l'image dans les récits des navigateurs d'autrefois. Dieu me pardonne, il est presque aveugle. Écoute-moi, dis-je en montant la longue échelle. Écoute-moi, je t'apporte des nouvelles, je les ai vues. Et voilà le bateau qui s'éveille. La torpeur du soir l'avait engourdi. Je crois qu'il ne m'avait pas vu venir. Ah, fait-il avec une indifférence affectée. Je les ai vus, ils sont là-haut, dans la forêt d'orangers, au sommet du Monte. Je m'ennuie, dit le bateau, dans les ports, quand la nuit vient et qu'il n'y a personne à bord. Je m'ennuie à mourir. Je ne peux pas parler à la mer, car elle n'entre pas dans les ports qui lui sont fermés par des digues. Les ports sont des cloaques, de l'eau morte et puante. Les navires nouveaux ne s'arrêtent pas dans les ports. Ils arrivent, sifflent 3 fois, un chaland est là qui déverse d'un coup sa charge de caisse et le navire reprend la mer. Je ne peux pas aller aussi vite. Le chaland qui m'apporte les marchandises n'est jamais là et quand il arrive, il n'y a personne pour m'aider aux manœuvres. Je crois qu'on m'oublie. Il fait bon ce soir, l'air est humide et tiède. Le vieux bateau roule, il se berce à la mare comme en mer. Malgré l'eau plate, il ondule et dodeline comme un berceau. Est-ce l'habitude? C'est peut-être le triste hochement de tête des vieillards? Je savais bien que le bateau attendait mon retour. Comme je me tais à dessein, il se décide à me questionner. Tu les as vus, eh bien? Je me tais encore. Je suis là de cette journée passée à courir au soleil. Et je suis aussi, peut-être, un peu troublée parce qu'il y avait trop de fleurs dans les champs, trop de musique dans les chemins, et parce qu'une fille m'a parlé, et parce que je les ai vus, là-haut, sous les orangers. Eh bien, répète le bateau anxieux. Oh, comme ils s'aiment. Le bateau hésite et songe à son tour. Le silence de la nuit nous enveloppe, et soudain, sortant de cette anxiété, le bateau répond. Ils s'aiment? Je ne le crois pas. Lui, peut-être. Elle, non. Elle ne l'aime pas. Elle ne veut pas l'aimer, ni lui, ni un autre. Comment le sais-tu? Je le sais parce qu'elle se cache, parce qu'elle s'habille sans coquetterie, parce que toute sa mise témoigne de recherche pour ne pas être remarquée. Cette robe simple, cette blouse grise, ces vêtements neutres de voyage, elle a vu tout de suite l'émoi des hommes qui sont ici. Elle a compris que sa présence était une chose inouïe et elle en est comme affolée. Une femme, la plus cruelle et la plus douloureuse, la plus perverse et la plus sainte. Une femme révèle toujours par un pli de la bouche, par un éclat des yeux, par un ruban nouveau, que le désir des hommes qui l'entourent est agréable à son cœur, ou à son orgueil, ou à ses sens. Celle-ci n'a montré que de la crainte. Et ce matin, quand l'agent de la compagnie est monté à bord avec les douaniers, les policiers et l'invasion des marchands, elle a fui dans sa cabine. Et derrière la porte fermée à clé, elle tremblait de tous ses membres. Elle a eu honte de sa peur ensuite, car elle a ri tout à coup. Elle s'est coiffée et elle est partie. Hier au soir, le docteur est resté longtemps près d'elle. Comme elle a pleuré ensuite, seule dans sa cabine. Très tard dans la nuit, la porte s'est ouverte et elle est sortie, toute blanche. Elle est montée sur le pont. Elle est venue s'accouder au bastingage. Elle pleurait. Son beau visage, fin et régulier, était si pâle sous la lune. Quand elle m'a vue, là, près d'elle, elle a eu un geste mauvais de recul. Pourquoi lui as-tu parlé, homme stupide et qui ne sait rien de l'amour? Crois-tu que le docteur lui parlait? Il était là, il regardait la robe argentée de la mer et il se taisait. Tout près, l'un de l'autre, le visage ébloui de la clarté lunaire, ils se taisaient. Le silence les étreignait. Leur cœur serré battait plus vite. Ils souffraient délicieusement. Ils étaient pâles, angoissés et heureux. Il y a 2 ans que le docteur est à bord. J'ai entendu le capitaine lui demander souvent pourquoi il ne recherchait pas un poste plus vivant. « Vous perdez les belles années de votre vie à rêver oisif sur ce vieux rafio, » disait-il. Mais allez donc faire comprendre à un capitaine bourru et qui sent le gin, les beautés de la vie intérieure et la divine passion du silence. Je ne sais ce qui l'a conduit à se murer ici. Peut-être l'amour, peut-être le culte qu'il a pour le violon et qui le fait, certains soirs de tempête, venir seul, les yeux en feu, accorder son violon au rythme ardent de la mer. Peut-être aussi est-ce la drogue. Et il a suffi qu'une femme vienne pour le tirer de son recueillement. Sais-tu pourquoi il l'aime? Il l'aime parce qu'il y a autour d'elle un mystère qu'il ne peut pas pénétrer. Un soir, il était assis à l'avant et jouait du violon. Le mouvement de l'eau le soulevait et le précipitait tout à coup au fond des vagues, et le vent éparpillait la musique. Elle vint s'asseoir sur des cordages. Elle écoutait en regardant la mer au point où elle entre dans les nuages. Ils ne se connaissaient pas encore. Quand il la vit, il cessa de jouer. « Voulez-vous jouer encore ? » fit-elle. Elle avait les joues en feu. « Non, » répondit-il en se levant. Il titubait en marchant. Je crois qu'il y avait du roulé. Je crois aussi qu'il était un peu ivre de drogue. C'est un malade, un artiste et un malade. Ce visage calme, ces yeux bleus lumineux et lointains, ces traits rudes malgré la finesse de la peau, ces épaules d'athlète, tout ce beau corps jeune et sain, je l'ai vu, allongé sur le sol, secoué de convulsions atroces. La bouche crachait de l'écume et du sang. Les yeux étaient chavirés et la peau gluante sentait le soufre et la mort. Je le crois possédé du diable. Toi qui lui parles, toi qu'elle écoute, dis-lui cela. Dis-lui qu'il se grise des terres et que cela le rend épileptique. Chapitre 9. quelle idée de venir coucher à bord, dans une cabine étroite et sans air. J'aurais dû passer à terre cette nuit torride. Me voici les membres rompus par une nuit d'insomnie. Vers l'aube, une voix de violon est entrée chez moi, douloureuse et tendre. Des cordes pleuraient au loin, mais dans des sanglots étouffés et si loin que l'air en supportait à peine le poids. Assis sur ma couchette, attentif, j'ai écouté sa prière et son appel. C'était une phrase langoureuse que le violon recommençait. Et, comme cette caresse s'est arrêtée tout à coup, j'ai pensé que le violon était peut-être tombé des doigts frémissants du docteur et qu'il était là, couché sur le sol, convulsé, le visage plein de bave et de sang. La fraîche lumière de l'aube m'endort enfin, et je les vois là-bas, dans mon sommeil, je les vois encore sous les orangers du Monte. Ah, comme ils s'aiment! Quand elle est descendue sur le quai, ils l'attendaient. Nous les avons vus monter en traîneau. Ils étaient là, le premier officier, le second et le chef mécanicien, tous anxieux et riant en dessous. Ils sont partis sur le traîneau tiré par des bœufs dans ces rues glissantes de Funchal, au pavé de savon. Des femmes accroupies sous des lambeaux d'étoffes éclatantes et qui mendient. Des enfants aux beaux yeux en amande, presque nus, la peau cuivrée, qui offrent des filles. Les étalages bruyants des dentelières et des marchands de fruits. Les bruits de la ville escale avec des marins ivres, des passagers du Sud-Amérique, importants, insolents. L'étrange ville, où, sous un ciel d'été éternel, les rues descendent en cascade, fuyant sous les pieds comme les glissades de glace que font les écoliers l'hiver. Et les traîneaux qui, ayant laissé les bœufs au sommet des rues, glissent à une allure folle parmi d'assourdissantes clameurs. J'ai fui tout ce bruit pittoresque, et me voici au bout du funiculaire, près du ciel, dans le plus beau jardin tropical qui soit au monde. En bas, la rade ressemble au port du pays de Lilliput. Par-dessus les murs qui bordent le chemin, les cannes à sucre frémissent au vent, comme les jeunes maïs de mon pays. Sur le sol noir et gras, des bananiers étendent leurs feuilles en parasols. Et voici des vignes et des pins, et des vignes encore, en terrasse, et de bonnes gens noiraudes qui passent. Et voici le champ d'orangers, dont la laine ardente m'a grisé soudain. Une odeur angoissante, une odeur d'extase court avec les souffles de la colline. Là-bas, à pic, s'étagent les maisons à tuiles rouges dans les palmiers. Jusqu'à la côte, dont le déroulement se creuse des ombres profondes des vallées. Le vent a couvert le sol de neige parfumée sous les orangers. Une fille s'arrête, haletante d'avoir porté si loin et si haut, la cruche qui se balance sur sa tête. Elle s'arrête et s'accroupit à la mode orientale. Elle sourit et sa peau luisante de sueur bride dans un sourire d'admirables yeux. C'est alors qu'ils sont apparus, au tournant du chemin, venant du parc de l'hôtel. Ils sont entrés dans le champ d'orangers. Il s'est mis à genoux pour attacher le ruban dénoué de son soulier. Elle a parlé, elle riait en parlant. Elle portait une poignée de chèvrefeuilles, avec quoi elle a fait une couronne. Ils se sont assis sur un mur écroulé. Elle lui a mis des fleurs sur la tête. Elle riait, riait. Il lui a pris les mains, et ainsi paré, les yeux cachés par les feuilles odorantes, il lui a mis les bras en croix, de sorte que leurs visages se sont rapprochés et que leurs lèvres. gras comme le soleil était lourd sous les orangers. Une vapeur flottait dans les branches, montée du sol ardent et qui se couvrait d'or dans les éclaircies du soleil et qui était gonflée d'angoissants parfums comme une fumée d'encens. Puis leurs bras lassés se sont fermés. Ils se sont enlacés à pleine poitrine. Il l'a serrée et l'a bercée contre lui. Et elle le repoussait, l'embrassait encore et revenait dans ses bras et balançait sa tête sur son épaule. Ayant mordu à pleine bouche dans un morceau de canne à sucre qu'elle tenait entre ses mains, la femme à la cruche se leva et reprit la rude montée. Comme elle passait près de moi, ses yeux suivirent mon regard. Elle s'arrêta et, radieuse et offensée, ayant mis dans ses doigts la canne mâchée, elle m'adressa, montrant les amoureux, des paroles que je ne compris pas. Chapitre 10. Les jours s'en vont, monotones. L'ennui, mal affreux, engourdit les choses. Une poussière de tristesse couvre les meubles du salon et je suis de nouveau seule dans la salle à manger. Des journaux de l'an passé dorment sur les banquettes grises du fumoir et s'éparpillent affolés parce que j'ai ouvert une porte. Une porte décorée d'un écriteau bar donne sur un réduit où des étagères percées de trous à bouteilles semblent avoir des yeux que l'obscurité a rendus aveugles. Une chaleur humide monte de la mer tropicale et le soir surchauffé vient, nous laissant exténués, avec aux lèvres je ne sais quelle saveur sucrée. La mer accablée par le vent torride du sud s'étend sans une ride, lac gris, lac d'asphalte brûlant. L'horizon est là à portée de la main. La ligne noire qui coupe le ciel bleu tendre est si proche que nous allons sans doute l'atteindre. L'étroite plaine ronde, les champs de blé sont plus vastes. Mais l'anneau de l'horizon se resserre encore. Le bateau, où ce cercle étroit, prend des proportions de géant. Une atroce tristesse étreint le ciel et me tient le cœur dans un étau. Les portes entr'ouvertes des cabines sur le pont glissent lentement sur leurs ferrures et pleurent d'ennui. Ah, partir, échapper à ce cercueil de silence! Entendre des voix d'hommes, des voix qui disent de la joie, de la vie. Je pense au visage familier du village, au visage que j'ai vu pendant tant d'années au même endroit, à la même heure, tous les jours. Au visage qui ne change jamais et que j'ai tant haï parce qu'ils étaient monotones. Les peupliers dans les prés qui bordent les routes s'agitent au vent, frissonnent et crient et pleurent. Les visages des paysans se parent, le soir, de lassitude et d'appétit repu. Ils se parent aussi d'envie, de haine, peut-être d'amour. Et ce bateau immobile et muet qui glisse dans un désert. Pourquoi reste-t-elle en bas, dans sa cabine? Pourquoi ne vient-elle jamais sur le pont? Pourquoi ce violon est-il tendre et poignant? Et pourquoi chante-t-elle le soir si longtemps? chapitre 11. Tu penses que tu es quelque chose, tu t'agites, tu rêves, tu te gonfles d'orgueil, et tu n'es rien. Le vieux bateau Mossad, accablé de soleil, soupire et gémit, alourdi dans sa marche comme un vieillard exténué par l'été. Tu t'irrites, crois-tu que la vie ait besoin de toi? Tu cherches la vie. Comme elle n'était pas sur la terre où tu es né, tu es parti. Mais tu ne vois pas la vie, car tu es un paysan et ton cœur est fermé. Regarde la mer, écoute. Regarde, paysan. Je vois, ô navire, je vois la plaine stérile de l'eau, un lac où la lumière se brise et s'étale, un miroir bleu et gris, un miroir inerte sur lequel rien ne croit, désert infécond et lugubre. Et je n'entends aucune des voix de la vie sur cette eau égale. Le vent n'agite pas les arbres et les feuilles. Je n'entends pas le crissement onduleux des moissons, ni le chant des vendangeurs, ni les appels des bêtes en amour dans la forêt, ni le pas des hommes. Je ne vois que du silence et l'image de la mort. Mais je te suis reconnaissant, ô navire, de me parler et d'être là, tremblant, vivant, et d'être enfin pour moi la certitude que tout n'est pas fini. Et voilà que le vent s'est levé, des voiles claquent, l'eau crie en heurtant la coque, et la voix du bateau monte, s'enfle, et j'écoute. Longtemps, pendant des heures, j'ai écouté le récit du vieux navire. J'ai écouté, les yeux agrandis d'épouvante et de joie, le récit merveilleux qu'aucun homme n'a jamais entendu. La mer. Tu regardes un homme et tu passes. Tu n'as vu que l'ombre neutre de son vêtement. Et pourtant, c'est une âme angoissée qui était là, un cœur affolé d'amour ou de crainte ou de haine, un cœur vibrant, changeant, toujours nouveau. Tu n'as pas vu la vie intérieure qui est toute la vie, la seule vie. De même, tu regardes le manteau de la mer, et ce vêtement t'irrite parce qu'il ne porte pas, comme la terre, une pauvre vie extérieure. Mais moi, je vois la vie intérieure de la mer. Mes yeux pénètrent le monde où s'agite la jungle de l'océan, et mon flanc touche le cœur palpitant de la mer. Une vie nouvelle lutte, souffre, triomphe, se reproduit et meurt dans l'eau profonde. Les marsouins qui montraient leur dos en gambadant tout à l'heure ont disparu, mais vois cette chose noire qui tourne. Un requin est monté à pic du fond où il se cachait. Un autre a surgi aussitôt, puis un autre, et je les vois qui chassent les marsouins enfuis. Ils gagnent de vitesse et c'est le carnage. Des milliards d'êtres combattent dans la nuit des profondeurs de l'eau. Ils vont sans repos, sans répit, et s'entre-dévorent, soumis à la loi de la guerre. Et je suis là, moi qui écris ce livre, cherchant comme un aveugle dans la lumière, cherchant des mots pour raconter la vie intérieure de la mer. Un bonite fend l'azur de l'eau, et s'abat sur un groupe de poissons plats et carrés. Comme l'hirondelle traversant un essaim d'insectes dans le ciel, le bonite a mis en fuite la bande. Par milliers, les poissons volants nous escortent. Leur vol de sauterelle est gracieux. Ils touchent l'eau et repartent et semblent jouer de vitesse avec nous. Mais ils volent pour sauver leur vie. Au-dessous d'eux, la gueule ouverte, une bande de marsouins glisse en rang serré, guettant l'inévitable moment où les poissons volants épuisés plongeront. Dans le remous du bateau, les requins, chasseurs de détritus et d'ordures, vidangeurs de la mort, roulent sans effort, leur masse ronde. Ils vont par rang de 4 à 5, indolents, escortés de leurs petits qui entrent dans leur gueule ouverte et en sortent en jouant. Parfois, d'un élan, un requin happe le passage d'un gros poisson. Cela dure une seconde et met quelque désordre dans le cortège. Par quel sens mystérieux les poissons qui nous escortent sont-ils accourus du large? Comment savent-ils que le bateau porte avec lui de la nourriture? À l'heure fixe où les cuisiniers jettent les rebuts à l'eau, on voit des centaines de poissons à tribord guettant le geste habituel. En quelques instants, tout ce qui est jeté à la mer disparaît. Les petits avalent tout ce qu'ils peuvent prendre. La fête est courte, car aussitôt les marsouins, les bonites, les maquereaux géants accourent et tuent. Attirés à leur tour, les requins arrivent et déciment les derniers venus. C'est, dit le bateau, la loi universelle. Ainsi le veut le livre de la jungle, le livre de la mer, le livre des hommes, la guerre. Chapitre 12. Est-ce que vous croyez en Dieu? Elle est à l'accoutumée presque nue. Elle rôtit des toasts sur le grill électrique et semble à ce point absorbée par ce soin que j'hésite à répondre. Ainsi, vous ne croyez pas en Dieu? Quelle erreur! Mettez du beurre salé sur cette tartine brûlante. Quand j'étais enfant, j'avais des visions. Saint-Michel m'est apparu dans l'église du village. Il avait une cotte de mailles éblouissante. J'ai eu peur et me suis enfui. Je n'ai jamais osé le dire à personne. Je crois maintenant que ce n'était pas Saint-Michel, mais quelques rayons de soleil à travers les vitraux du cœur. Le thé, liqueur des tropiques, le thé brûlant qui seul apaise la soif nous grise et nous endort. Elle arrête le balancement du hamac pour dire à nouveau « Il faut croire en Dieu. Est-il possible que vous soyez ainsi? Cela porte malheur. » J'avais une grand-tante qui me montrait Dieu le Père sur des images anciennes. J'avais peur de ces chromos où le bon Dieu est représenté comme un vieillard laid et coléreux. Le vrai bon Dieu est tel seulement que je le vois, souriant, tranquille, très bon, très doux, très heureux. Je le prie souvent, je suis sûre qu'il m'entend. Le bruit du large couvre parfois la voix qui défaille. Elle murmure encore des mots qui sont, je crois, une prière. Son bras pend hors du hamac et je presse sur mes lèvres une main qui s'abandonne. Elle dort. Son beau corps, enveloppé dans les mailles du voile aérien, flotte dans la lumière. La mer chante au loin. Quelques vagues de vent passent qui font flotter les cheveux épandus comme un éventail d'or. Elle dort. Ses lèvres entrouvertes sont très rouges sur les mailles des dents. Aucun rêve ne trouble l'âme apaisée. Comme tout est calme, mais le bateau, pour la bercer, s'anime et la mer chante je ne sais quelle berceuse monotone. Très doucement, j'ai pris à pleine main les cheveux étalés et j'en couvre mon visage. Ils sont dans mes mains et sur mon front, comme une eau fraîche et odorante. chapitre 13. Les hommes qui vivent sur la mer subissent l'influence de l'air ambiant. Ils deviennent silencieux. Les voyageurs en troupeau sur les paquebots festoient, s'agitent et continuent la vie terrienne. Ils ne vivent pas la vie de la mer. Ils vivent la vie d'hôtel. Mais nous, qui sommes seuls sur ce bateau errant, nous ne sommes pas assez forts pour échapper aux forces du silence. Le choc du bateau sur les vagues ne trouble pas la paix profonde. Le silence de la mer n'est point le silence de la forêt ou de la terre inhabitée. Sur les hauteurs de l'eau soulevée par l'orage, sous la plaine de l'eau immobile, on sent une présence vaste et terrible. Quelle est cette vie qui plane sur la mer? La présence lointaine s'approche avec le vent, nous enveloppe de mystère et de peur. Sans cesse sur le qui-vive, ombrageux, sur ses gardes contre l'ennemi possible, le bateau taciturne frissonne au moindre vent. Il répond aux rumeurs de la mer par des grondements de fauves apeurés. Un court panache de fumée monte à l'horizon. Est-ce un vapeur? Est-ce un peu de vie humaine? Est-ce quelque buée tombée des nuages prochains? Je m'ennuie et j'ai peur. Une angoisse stupide me serre le cœur à pleurer. Elle s'est étendue sur le pont, toute blanche dans la lumière blanche qui enveloppe la mer et les choses. Les mains sous la nuque, elle tend vers le soleil son jeune corps, souple et presque nu. Elle s'étire et sourit à la lumière qui la grise. Chapitre 14. Un plateau de verre opaque, avec des images mouvantes du ciel reflété. La mer paresseuse d'or, alanguie sous la pluie du soleil des tropiques. Pas un souffle, l'espace est vide à l'infini. Par bandes, des poissons volants sortent de l'eau et glissent en ligne blanche. Le silence est brûlant, une fournaise bout sur l'eau tranquille. Des traînées d'herbes marines, vertes et jaunes, courent parallèlement de l'est à l'ouest, dessinant sur l'eau des allées qui vont vers le soleil. « Ce sont, dit le bateau, les herbes d'Atlantis. Elles marquent la tombe du continent que la mer a couvert. » Je l'attends. Elle a dit qu'elle viendrait à l'entrepont. Pour parler à la mer, aujourd'hui, il faut descendre au ras de l'eau. Quand le vent passe en hurlant, bousculant tout, la mer tumultueuse monte sur le pont. Sa voix pénètre le vent et pénètre le flanc intérieur du bateau. Mais aujourd'hui, la mer silencieuse est descendue sous la plaine. Elle dort. Et, pour entendre battre son cœur, il faut mettre les mains dans l'eau bleue. Ainsi, vue à fleur d'eau, la mer est une chose familière, vivante et gaie. Elle caresse les mains qui l'approchent. Elle est tiède, et les frissons de sa peau sont comme du velours, glissant sur les doigts écartés. Elle est là, assise au bord de l'eau, les jambes nues. La mer et le bateau jouent à mouiller ses pieds blanchis d'écume. Le bateau, pour lui plaire, se penche. L'eau monte aux genoux. Puis, roulant à bâbord, le bateau tient en suspens dans le soleil les jambes roses étincelantes de gouttes. Et, comme le bateau reste ainsi longtemps penché, la mer, d'un paquet d'écume inattendu, couvre les pieds et les cuisses et les jupes. Des ventres blancs de poissons volants passent à portée de la main. Il fait calme et frais. L'odeur de la mer nous grise un peu. Dans le clapotis de l'eau sur les flancs du navire, on entend des rires. Pour la soutenir, je la tiens à la taille. La résistance de l'eau sous l'élan du bateau entraîne nos pieds. Comme il ferait bon glisser tous les deux, ainsi enlacés dans l'eau mouvante. Un bonheur de jeunesse et de paix et d'innocence puérile nous engourdit. Nous restons tout le matin, face à face avec l'eau, respirant son parfum salé. Chapitre 15. Je vois dans vos yeux monter la marée. Elle sourit, attentive et surprise à ma voix. Par vos yeux, je sais que le flux monte vers l'horizon. Je sais que l'heure est revenue où l'attraction de la lune soulève la masse vivante de l'eau. L'eau de votre regard était grise et verte. Elle est maintenant bleue. Et chaque fois que la nuance de vos yeux s'altère, je sais que l'action du ciel sur l'eau se fait sentir à vous. L'air est d'une divine douceur, de longs relents de marées salées, des ondulations de musique lointaine très floues. Une lumière blanche et calme, une lumière de lune ardente. La mer et les planètes communiquent, et chaque battement du pouls de l'océan est entendu du soleil et des astres. La mer régit toutes les lois de la terre. Aucun homme n'échappe à sa domination. Mais vous, la mer vous possède, et, comme le vieux navire, elle vous pénètre. Nous restons ainsi jusqu'à la nuit, indécis, heureux du balancement paresseux qui nous grise. Une vie nouvelle nous est venue. Un sang nouveau fleurit dans nos veines. Un cœur nouveau, une âme nouvelle, nous donne des émotions, des images et des pensées que nous n'avions jamais connues. La mer nous pétrit à son image. Le passé d'hier s'estompe. L'oubli, bien suprême, éteint les secrets profonds de notre être. Je vois dans vos yeux monter la marée. Vos yeux ont des profondeurs d'émeraude, et je sais qu'avec le flux descendant, je suivrai avec eux les dégradations du vert et du bleu de la mer. Mais elle, troublée par le silence, s'étonne à son tour. Il y a autour de moi le vide profond et merveilleux de la mer, et je sens fuir le passé. L'oubli, bien suprême, éteint en moi les lumières et les secrets du passé.